Vous avez un problème? Nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion. Pas de problème. Diffusion 111? 111, Frédéric. Ici Frédéric Barbouchier en compagnie d'Antoine Vézina. Fred, je te salue. Salut Antoine. Jean-Philippe Durand. Salut Fred, salut Antoine. Ben oui. Salut. Mathieu Bouillon. Bon, salut. Et un invité spécial aujourd'hui. Louis Martinguet. Bonsoir, les casteux. Hey, alors, Louis Martin est ici à titre de spécialiste mélomane. Appelons ça comme ça, mais rock. Rock, oui, mais... Très rock. Mais en fait, tu recherches beaucoup de musique. Oui, oui, toujours. Donc, mais avant de, on va continuer à t'en parler, mais juste avant, on va exposer le problème auquel on va offrir plusieurs solutions. Yeah. C'est un problème qui nous vient de Martin Franklin. Franklin ou Franklin? Martin Franklin. Cher, pas de problème. J'aime beaucoup la musique, mais mes goûts musicaux sont très spécifiques. Les artistes que j'apprécie ne figurent jamais sur les listes des plus populaires ou meilleurs vendeurs. J'ai beau consulter des sites spécialisés, il demeure difficile de découvrir des artistes et compositeurs à mon goût. Voici donc mon problème. Comment découvrir des groupes musicaux obscurs et peu connus? À titre indicatif, la musique qui me plaît combine souvent des éléments de métal, classique et folklore. Mm. Toutefois, le problème se pose pour les amateurs de tout genre. Rock, jazz, blues, country, électronique, etc. Merci de votre aide. Voilà! Ça fait tour. Hein? Si j'ai invité Lou Martin, on s'était parlé déjà qu'on voulait peut-être inviter quelqu'un. Oui. C'est parce que moi, une de mes solutions, c'est demander à un ami. Oh! Quelle belle idée! On a souvent des gens dans notre entourage qui ont justement des connaissances plus approfondies dans des domaines comme la musique. Entre autres, Jean-Philippe. Tout à fait. Un grand amateur. Moi, ouais, j'écoute beaucoup d'affaires. Mais en fait, tu recherches aussi à trouver des nouvelles affaires tout le temps. Moi, ouais, j'aime bien ça. Comme Lou Martin. Ben ouais. Fait que... Parlez! Hey. Ben, c'est sûr que c'est pas un problème juste pour M. Franqueur, là. Franklin. Mais l'idée, c'est que peu importe le type de musique, là, déjà, on a quelqu'un qui aime le métal, le folklore, le classique. C'est pas très facile. En plus, de trouver un groupe qui amalgame les trois. Un des seuls qui est bien connu, c'est Finn Troll, un groupe finlandais, qui fait effectivement de la musique métal, mais inspiré du folklore scandinave. C'est lui la moteur. Non, ça peut avoir l'air d'une blague, mais effectivement, ça existe. Et Finn Troll passe à Montréal une fois de temps en temps. Oui, c'est ça. C'est un vrai groupe. Mais si on veut avoir les trois ensemble, là, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Sauf que pour toute personne qui cherche un minimum là, de nouveautés, ben, y a deux choix. C'est soit qu'on se laisse aller à la musique radiophonique et là, on finit par entrer dans le lavage de cerveau proposé. Et puis bon, on finit par aimer n'importe quelle merde. Ou on essaie, disons, d'arriver à prendre un peu de recul. Et puis choisir soi-même ses goûts musicaux au lieu de se les faire imposer par la masse critique. Mais ça prend quand même une source. Si tu vois un spectacle de Finn Troll, j'imagine que les gens qui sont là vont jaser, là. Oui, exactement. Ben, c'est une bonne place. Moi, fais pas semblant, Antoine, tu le sais. T'as ton T-shirt de Finn Troll. J'adore Finn Troll. Écoute, c'est Antoine qui me l'a proposé la première fois d'écouter ça. La lutte ça. Électrique. Oui, exactement. Ouais, le dessin sur le T-shirt, il faut le dire, c'est un troll, comme des années 90. Puis c'est une fille troll, puis elle dit « Je suis Finn ». OK. Et ça, j'imagine que c'est des endroits propices. C'est un must. Allez voir les spectacles. Pour tout ce qui est culture underground, ce qu'on appelle en anglais la subculture, parce qu'en français, on ne peut pas dire sous-culture, mais pour tout ce qui est culture alternative, les spectacles, c'est fondamental. Il y a des endroits particuliers à Montréal qu'il faut être capable d'identifier. Et souvent, on sait que pour le rock émergent, le rock alternatif, tout ce qui est Myland, là, et surtout le quartier portugais est très fort à ce niveau-là. Et le motoré aussi. C'est ça. Et ça commence à s'étendre là, jusqu'à des endroits comme la Parc Extension, ça va jusqu'à Jean Talon et tout ça. Exactement. Donc là, c'est des endroits où on peut, premièrement, découvrir des groupes. Alors, si on va voir un groupe tant soit peu connu, tout petit peu, il y a des chances qu'il y ait des premières parties extrêmement intéressantes, parfois. Mais nous, on est un podcast pan-planète. Bon, si vous allez à Moscou, à Berlin ou à Rio de Janeiro, probablement que c'est la même structure, mais les noms de rues changent. Au lieu d'être rue Saint-Laurent, rue X. Là. Mais la difficulté qu'ils rencontrent n'est pas un peu normale. C'est-à-dire que des groupes qui se disent underground ne veulent pas être dans le mainstream, ne veulent pas être vendus dans... Dans le sens où si ça devient connu, donc accessible, c'est plus underground, c'est peut-être plus ce qu'ils recherchent, c'est pas une antinomie dans... Non, ouais, mais tu peux toujours être... Ah, moi, j'aimais ça avant qu'il soit connu. Non, mais c'est par défaut, souvent. C'est-à-dire que le groupe dit underground, entre guillemets, fait de la musique tout à fait aussi passable à la radio que la grande majorité de groupes. Ben, c'est que la distribution, le focus, toute la machine marketing derrière n'est pas là, parce que souvent, c'est des groupes qui sont signés de façon indépendante, donc ils vont produire eux-mêmes leur album ou sur des petites compagnies qui n'ont pas d'argent. Et à ce moment-là, ben, il n'y a pas la même diffusion. Et ce qui passe à la radio, c'est ce qui est, entre guillemets, pushé par les dollars, la grosse pièce. Et bon, il y a des groupes qui font du rock tout à fait écoutable pour la grande majorité des gens. Et il suffit de les découvrir, mais le problème, c'est de se rendre là. Et si on n'écoute que la radio, ben, on ne se rendra jamais là, évidemment. Il faut aller les chercher par nous-mêmes. Mais souvent aussi, j'ai l'impression que le genre qu'on va voir en spectacle qui n'est pas connu est plus franc que la version populaire de l'affaire, parce qu'on peut toujours faire le comparatif très, très clairement. ne serait-ce que Kesha, qui est sortie il y a 2 ans, c'est exactement Offy, qui est une chanteuse anglaise, qui a fait des affaires en 2004-2005. C'est identique. Mais à Shing Plus. Au niveau du traitement, tout ça, c'est identique. C'est vraiment juste une version un petit peu plus pop, des paroles plus niaiseuses, dont on se prépare pour aller au club, des choses comme ça. Fait que t'as toujours l'influence de base. Puis c'est vrai ce que Louis Martin dit, où ça vaut la peine d'aller voir les spectacles, parce que souvent, dans ces places-là, c'est pas cher, en plus. C'est des affaires de 10-12 piastres. Fait que t'essayes, tu y vas. Puis souvent, si t'aimes le groupe en soi ou si t'as envie de connaître ça, ben les premières parties sont assez reliées aux bandes que tu vas voir. Fait que déjà, ça te permet de connaître 3 groupes. Et il y a souvent des groupes qui ont des goûts particuliers pour trouver des premières parties assez exceptionnelles. Et moi, j'ai aussi, à un moment donné, un groupe qui s'appelait The Raveonettes que j'aimais, surtout pour leur premier album, et qui avait le don de nous sortir des premières parties extraordinaires, des groupes qui allaient bientôt faire état de tous leurs talents. Puis là, ben on allait voir les Raveonettes à un moment donné, exactement. Trouvait que ce qu'ils avaient comme matériel était nouveau, mais parce qu'ils amenaient des groupes intéressants. Et dans la mécanique de l'affaire, ces petites salles-là, tu as-tu moyen de parler avec ces gens-là? Les artistes eux-mêmes? C'est parce que souvent, la technique n'est pas extraordinaire aussi. Fait que c'est très long, les changements. Fait que tu as le temps de parler un peu à tout le monde, j'ai l'impression. C'est clair. Puis le band reste un peu dans la salle aussi, parce que souvent, c'est leurs amis qui jouent tout ça. C'est ça. C'est possible de parler. Il y a des liens. Très régulièrement. Tu vas parler avec quelqu'un. C'est version analogue, là. C'est-à-dire, on jase avant l'Internet, tu sais, comment on faisait? On se trouvait un bon disquaire, on jasait avec, tu sais, on a notre spot. On peut encore le faire. Ça se fait encore. Est-ce qu'il y a des revues spécialisées qui Ben oui, il y a toutes sortes de revues spécialisées, mais aussi sur le web, des endroits de prédilection. Moi, j'ai amené quelques noms pour peut-être plus tard, mais il y a des endroits qui vont, eux, je dirais, réussir à attirer des groupes autour de leur site, puis à créer un hype, entre guillemets, là, pour certains groupes. Et il faut voir aussi qu'est-ce qui se passe en Angleterre, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, c'est très différent. Et les groupes en Angleterre, souvent, vont rester des produits très locaux et peu connus ici, et vice-versa. Donc, les groupes américains vont avoir des difficultés à s'exporter. Alors, parfois, avec Internet, ça nous permet de découvrir ce qui se passe à l'extérieur. Quand on aime, disons, comme moi, le rock suédois, c'est pas très facile d'avoir accès au rock suédois qui n'est pas déjà important en Amérique. Fait qu'il faut aller voir sur les sites. De musique suédoise ou des sites qui sont américains, parce qu'évidemment, moi, je lis pas le suédois, là, mais il y en a beaucoup qui sont en anglais. Bon, oui, c'est ça, mais parce que les groupes suédois vont parfois chanter en anglais aussi, même en suédois. Mathieu, la joke est où? Parce que des groupes suédois... Comme Abba, là. Il y en a pas beaucoup, tu peux compter suédois. Suédois de la main, très bon. Suédois de la main. Maintenant, j'entends Mathieu me murmurer des jeux de mots poches dans l'oreille. Mais... possédé par le mal. Par le plat. Le plat. Mais on parle de spectacle, mais j'ai envie d'ouvrir un petit peu plus large. Pour ça, c'est pour des recherches plus approfondies, dans le sens où les mouvements artistiques vont souvent être représentés aussi dans la peinture, au cinéma, dans des performances. Je pense que si tous ces groupes-là doivent être interreliés, et donc d'être à l'affût de ça, là, de vernissage, blabla, underground. De mouvement. Ouais, qui font, hey, ça se peut un vernissage de te faire inviter à venir voir un groupe de musique, là, j'imagine. Oui, tout à fait. Qui est peu connu. Ben, il y a quelque chose de multiculturel dans tout ça. Ouais. Et les scènes locales ont besoin de ce type d'effervescence-là. C'est-à-dire qu'à Montréal, on voit que ça se fait, mais c'est fondamental, disons, dans des villes comme New York depuis au moins une quarantaine d'années. Et nous, ben là, on l'a de plus en plus. On n'était peut-être pas conscient que ça existait dans les années 80, même si ça existait. Et avec, je dirais, certains groupes qui ont réussi à sortir de la masse un peu, en tout cas sortir du moment critique où on devient populaire internationalement. Bon, on n'a qu'à parler d'Arcade Fire ou d'autres. Oui. Mm-hmm. Ben, ça vient de Montréal. Et là, qu'est-ce qui se passe à Montréal finalement? Puis là, on commence à regarder les autres. Who the hell is Arcade Fire? Ouais, c'est ça. Non? Les autres autour. Comme Bon Iver. C'est ça. Donc, justement, la bonne musique suédoise. Et moi, je vais dans des endroits qui sont des sites reconnus, mais aussi beaucoup de blogs qu'il faut être capable de bien trouver. Et il faut être curieux, c'est-à-dire aller chercher les endroits où on propose des artistes qui vont nous prêter ou nous donner presque leurs chansons, qu'on peut télécharger, en tout cas quelques-unes de leurs chansons. Et là, ben, on essaie. Là, on remplit l'iPod, puis on part avec ça pour la journée. Je suis allé sur l'autoroute de l'information. Oui. Oh. La 20? Oui. Tu m'avais parlé de ça, là, il y a une couple d'années, mais je pense, je sais pas si c'est le même site, mais là, j'ai trouvé Toon Glue, qui... c'est vrai? Glue comme la colle, là. Mm-hmm. Tune Glue? Ah, oh, Toon Glue. Oui, Toon Glue. Mm-hmm. Tout m'ensemble? Toon Glue! OK. La chanson qui colle. Ouais. Non, mais t'écris un band, mm-hmm. puis là, tu cliques dessus, tu fais « Expand », là... Il y a plusieurs possibilités, dont, justement, quand tu cliques dessus, « Expand, Release, Lock, Pop, Delete », en tout cas. Là, tu fais « Expand », puis là, il te montre des bandes similaires. Des arbres, effectivement. Cool. Là, tu fais l'arborescence de ça, puis tu peux trouver plein d'affaires qui ressemblent. C'est ça. C'est une façon, je dirais, un peu aléatoire quand même, parce que parfois, il y a des incongruités. Mais moi, j'aime bien utiliser l'incontournable allmusic.com, qui, lorsqu'on entre le nom d'un groupe, habituellement, on va avoir trois listes, c'est-à-dire les groupes qui ont été les précurseurs, les groupes qui sont du même acabit et les groupes qui ont suivi le groupe. Bah évidemment, c'est un groupe qui a 2 ans, là, il n'y aura pas encore d'influence, mais les groupes qui ont été influencés par. Et ça, c'est une liste assez riche habituellement pour nous permettre d'aller faire des tours après sur les sites. Sauf que Toon Glue, c'est très, très, visuellement très intéressant. C'est ce qu'on appelle user-friendly. Ouais. Mais il y en a plein comme ça, mais en cherchant, j'ai trouvé Taste Buds. Où tu cherches l'âme sœur en passant par la musique. Ah oui, j'ai fait ça longtemps au secondaire. T'écris tes bandes, bandes préférées, puis là, tu fais au Canada, là, tu des villes, puis tout ça, puis là, tu trouves... Je suis en Californie, puis tes parents sont en tabarnak. C'est ça. Non, mais... en tout cas, c'est comme Nick and Nora's Infinite Playlist, là, une espèce de film d'amour à travers la musique, là, je l'apprécie. Mm-hmm. John Hughes a bien fait ça. Il reste que la musique, quand on trouve des musiques, c'est parce qu'on la partage souvent. Oh, oui. Ouais. Qui mieux que l'âme sœur? Mais c'est ça, tu sais, il y a aussi, j'ai l'impression, lui, si c'est plus des genres de musique en soi, peut-être qu'il faut qu'il arrête de regarder des genres, mais plutôt des étiquettes aussi. Mm-hmm. Exact. Donc, tout à fait. Aller vers, je sais pas si en tant qu'étiquette, tu parles de compagnie de disques, mais c'est vraiment ça. Exact. Donc, aller vers les compagnies de disques qui ont déjà fait des choix pour toi, qui signent en quelque part les groupes que tu préfères. Alors là, souvent, il va y avoir... Bon, il y a des compagnies de disques assez éclectiques, là, mais dans le tas, on va en trouver qui nous intéressent fortement. Et il y a souvent des compagnies de disques qui ont des styles. On parle à tout ce qui est venu dans les années 70-80. On se souvient, on allait vers Two Tone, c'était du ska. On allait vers Combat, c'était du métal. Donc, on savait très bien. C'était plus clair à l'époque. Mais malgré tout, maintenant, lorsqu'on va vers une étiquette comme 4AD, on sait ce qu'on va avoir. On va vers Saddle Creek aux États-Unis, on sait quel type on va avoir. Et il faut toujours aller chercher là. Tout d'abord parce qu'il y a possibilité d'avoir des très bons prix pour commander la musique, autant en CD qu'en vinyle. Et en plus, ça nous permet permet parfois, en allant chercher notre groupe préféré, de découvrir ceux qui sont sur la même étiquette et après ça, ben, de les écouter. Et là, de porter le T-shirt de ton groupe favori, là, est-ce que tu te fais arrêter dans la rue par quelqu'un qui fait « Tu connais ça, toi? » Ben, c'est rare. Non, pas vraiment. Moi, je me ferais arrêter sans arrêt. Donc, non. je pense, ça de moins en moins un impact. Ça de moins en moins un impact. Il dit ça avec son T-shirt uni. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je suis... Non, mais tu cherches, toi, là puis tu sais, tu fais « Bon, ben je vais m'afficher. Ouais. » Mm-hmm. Non, c'est vrai. Puis, t'essayes, il y a ça. C'est-à-dire qu'il y a des cultures qui assument carrément ce cliché-là. C'est-à-dire, pour la musique métal, c'est fondamental d'avoir un t-shirt. Ben oui, un t-shirt de groupe. De groupe, c'est l'habit. Devant les fous. C'est ça. C'est l'habit de base pour aller voir un show métal. Très populaire au Centre Bell ou très crasseux dans le fin fond d'un endroit. Bon, je dirais pas les foufs, mais un endroit un peu plus alternatif. Oh, oui, c'est ça. Hey, j'ai une question pour vous. Non, mais c'est vrai. Ouais. L'outil Genius, là, c'est ça le nom sur iTunes? Là? Ouais. Qui trouve des tunes qui ressemblent. Trouve des tunes, ça marche-tu bien, ça? Ça, ou... c'est plus, je pense, selon le rythme, selon la vitesse. Ouais. Tu vas trouver des affaires un peu identiques pour te faire des playlists. Un peu. Ah, OK, cool, fait qu'il me suggère pas rien. C'est pas tant des suggestions. Non, c'est quelque chose pour les DJ un peu. Là. Ça a été utilisé beaucoup pour ça au départ. Okay. Ouais. Mais une affaire, moi, je trouve qui vaut la peine, c'est les bandes sonores De films et tout ça. Ouais, c'est des bandes sonores plus indie, des fois. Si tu apprécies le film, le réalisateur a déjà pris une décision par rapport à la musique, tout ça. Fait que je pense que tu peux connaître des bonnes choses avec ça. Là, Mais surtout que là, la mode est revenue aux bandes sonores, entre guillemets, un peu moins connues. Ouais, c'est ça. Avec. Intégrant une certaine nostalgie. Donc, on est dans les deux cas. C'est pour une génération, disons, qui se situe entre 18 et 30 ans, ben, c'est assez intéressant parce qu'au niveau nostalgique, c'est une découverte très souvent. Et pour le reste, ben, c'est aussi une découverte parce que c'est des groupes qui sont plus ou moins connus. Mm. Et ça permet aussi de mettre sur scène, de mettre en scène des groupes qui n'ont pas encore d'album et qui vont éventuellement progresser et pouvoir en faire un. Mm. On passe entre autres à Drive dernièrement, qui, avec sa bande sonore un peu années 80, a permis, c'est ça, aux les artistes qui étaient aussi, dessus. Les vont y aller avec Heineken, avec une espèce de indie. Mm. C'est ça, oui, c'est possible. À la saveur du jour. Effectivement. Et puis, il reste toujours les classiques, c'est-à-dire, à mon avis, il n'y a rien de mieux que d'aller encore sur les bons vieux MySpace et ces choses-là. Ouais. C'est-à-dire de trouver une liste de groupes qui semblent se rapprocher de ce qu'on aime et aller les écouter. Quelques minutes et puis de découvrir. Ça marche encore sur MySpace? Ça marche beaucoup pour les groupes, évidemment. C'est leur façon pour Mais là, eux. C'est quoi l'autre truc de musique? Pas SoundCloud, mais. Non. Tu dis, ils commencent à migrer vers autre chose? Ou... Non, ils font un peu comme. Ça vient de. Ils font un peu comme un autre site de musique. Là. Il manque un gros mot important. Là. Et ça montre. Je vais le trouver, le nom, un moment donné. Là, c'était juste disponible aux États-Unis avant. C'est pour de la musique, en tout cas. Bref. Puis Justin Timberlake est en arrière de ça. Ah, bien oui, effectivement. Jusqu'à temps que Metallica essaie de le faire fermer. Eux autres sont en feu. Ils ont compris avec le temps. C'était juste une mauvaise de groupes sur Internet donc qui partagent gratuitement leur contenu. Mm-hmm. Avant, il y avait quand même Napster, des choses comme ça. Ouais. Gratuitement, on pouvait fouiller. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas cette barrière-là? Il y a encore des sites, mais qui vont fermer. Mais c'est des groupes. Il y a encore des sites. C'est-à-dire que les plus intéressants sont ceux qui ne sont pas connus, entre autres. Non, je vais taire le nom ici, parce que moins on est de gens, plus il y a de chances que ça perdure. Mais il y a des groupes qui sont là depuis très longtemps. Il y en a un qui s'est fait fermer là, de partage de fichiers, oui, tout à fait. Des poursuites. Mm-hmm. Ça n'arrêtera jamais. C'est-à-dire que le meilleur truc pour les partages de fichiers, c'est tout ce qu'on appelle les newsgroups. Eux vont rester, d'après moi, sont là pour durer. La seule chose, c'est qu'à un certain moment donné, l'accès à l'abonnement va être de plus en plus difficile parce que là, on voit dernièrement, entre autres, PayPal a commencé à refuser des paiements pour l'accès à des newsgroups. Donc, PayPal se retire et dit aux gens qui... aux providers, aux gens qui distribuent les newsgroups, groupe que, bon, ben maintenant, on n'accepte plus le paiement pour vous. Donc, il y a cette nouvelle idéologie-là qui commence à prendre place et ça va avoir des impacts, évidemment. Mais quand on est quelqu'un qui est assez débrouillard, on finit toujours par se trouver un endroit de prédilection. Mm. Moi, j'ai mon endroit de prédilection depuis 10 ans. Il est en pleine forme et il va très bien. Il fonctionne seulement par des invitations. Et lorsqu'on invite quelqu'un qui parle... par la suite à un mauvais comportement, on se fait bannir soi-même aussi. Donc, on est responsable des gens qu'on invite. Donc, c'est un endroit assez... sensiblement sélect. Vous êtes trois. Sensiblement sélect. Non. On est des centaines de mille. Non, c'est ça. C'est mondial. Et puis, c'est assez en dessous de la table. C'est-à-dire que pour ceux qui ont connu le Oink, .org à l'époque, Oink comme un peu le cri du cochon, là, oui. Qui a été, qui malheureusement a vu sa fin en 2003. Ben, les endroits qui ont succédé à Oink vivent encore, et puis ils sont pas près de leur belle mort, là, je pense. Ça fonctionne. Bon, ouais, c'est ça. C'est moins populaire. C'est moins populaire. C'est ça, mais c'est moins accessible qu'avant. Oui, c'est ça. Ouais, pour, je vous conseille à Martin un fin troll, là. Parce que les trois premiers albums présentent une chanson à propos de deux hommes. Une chanson. sur les trois premiers albums. Film troll, ça? Qui est une chanson à propos de deux hommes qui se retrouvent constamment aux prises avec les trolls pour finalement se faire battre et mutiler à maintes reprises par les fidèles de Riv Fader en colère. Ben oui. On peut entendre un extrait. Mais assurément, Monsieur Franklin connaît Film Troll, à mon avis. À mon avis. Ah ouais? Ben, si ses goûts sont déjà métal et folklorique. C'est rien comme aller en Suède voir un spectacle puis un festival de... Oui, parce que... Et là, il va découvrir, il va tomber à terre. Ben, mais pas juste ça. C'est que, évidemment, nous, on est dans la culture nord-américaine, la culture qui, de tout temps, je dirais, dans ce qui est occidental, a été la plus fermée au niveau de la découverte musicale. On a toujours été, je dirais, organisé et la machine dans une structure américaine, fondamentalement, où la plus grande partie de ce qu'on écoutait vient d'Amérique et des États-Unis. Mais de l'art, hein? Oui, c'est ça. Et si on va en Europe, c'est beaucoup plus ouvert. Si vous allez en Suède ou dans n'importe quel pays scandinave, vous aurez des radios populaires qui vont diffuser du heavy metal. Bonne solution, problème, ça. Très régulièrement. Ouais, ouais. Même chose dans les pays, voyager en Tchécoslovaquie, en Allemagne, on va avoir ça très facilement. Et même en Angleterre, les radios qui sont supposément les radios populaires, celles d'État, la BBC et tout ça, sont des radios qui diffusent régulièrement du matériel qui n'est pas nécessairement mainstream, entre guillemets. On a juste à penser à John Peel, qui est une légende, qui a été une légende pendant 25 ans, a très rarement diffusé une chanson populaire à son émission. Et même si parfois, les artistes qu'il diffusait devenaient par la suite des succès monstrueux en Grande-Bretagne. Il y a ça aussi, il peut attendre certains groupes ou mouvements qui deviennent populaires. Il faut être patient. Mm-hmm. Oui. Ça va être accessible. Et c'est pas une obligation. On peut très bien vivre pendant 30 ans sans être vraiment populaire. Non, c'est ça. Non. Évidemment, ça va de la ténacité des artistes qui tirent le diable par la queue pendant 35 ans. Puis, oui, c'est ça. Puis aussi, il n'est pas obligé d'aller chercher quelque chose de... Excuse-moi, il n'est pas obligé d'aller chercher quelque chose de moderne, absolument. Là. Il peut aller voir dans les vieilles choses aussi. Ah, mon Dieu, parce que c'est sûr que ce ne sera pas sur les populaires ou les meilleurs vendeurs. Ouais. Mais travailler avec un programmeur, inventer un logiciel... qui compose de la musique selon les données que tu entres. Oui, je te suis, Frédéric. Mais non, mais j'essaie là, de passer à l'extérieur de la boîte. Oui. Non, mais ça, une musique procédurale qui serait, à la limite, ajustée à nos propres goûts. Oui, c'est ça. C'est un peu spécial. Ça crée des tunes que t'aimes. Ah oui. Oui. Mais parle-toi un band. Qui se parle un band? Mm-hmm. Un band procédural. Ce serait très intéressant. Non, mais si parle un band, là, tu rencontres d'autres bands. Symphonique. Oui, c'est ça. On a certaines valeurs, là, comme le noir, cheveux longs, t-shirt de groupe. Et là, on nous compose une toune en rapport avec ça par la suite. Mais il n'y a pas des bands là, qu'on ne connaît pas encore. Genre, ils ne pratiquent pas comme toutes dans les mêmes bâtisses. Il n'y a pas comme des locaux. Ah oui, à Montréal, il y a quand même ça. Oui, mais on ne les connaît vraiment pas, ceux-là. Il y a peut-être des raisons aussi. Il ne faut pas oublier que ce qui n'est pas connu, il peut y avoir beaucoup de raisons pour la méconnaissance de ces groupes-là. Je ne trouve pas, je ne vois pas. S'il faisait un tour là, se promène dans les corridors, écoute les pratiques. Eux, pas tout de suite. Oui, tout à fait. Mais il se fait passer pour un producteur. Ben oui, c'est bon. Il se fait passer pour un producteur. Puis il demande des démos. Deviens producteur. Oui. Des démos, tu vas en avoir du stock. Et aller spécial. Se promener dans les radios. Donc, les endroits de prédilection pour ça, évidemment, des places comme CIBL, CISM, c'est extraordinaire. Donc, si on regarde la grille, bon, on pourrait déjà dire, écoutez, CISM, c'est pas une mauvaise idée. Déjà que on peut dire que 90% de ce qui joue est en dehors de nos habitudes d'écoute radiophonique. Mm-hmm. Là, c'est un bon endroit. Puis, pourquoi pas téléphoner une couple de fois là-bas, puis se faire des amis, inviter des gens à aller prendre une bière, et qui sait, ça peut devenir une grande aventure en Angleterre, ou peut-être même au Togo. Clairement. Tout à fait. Préparer, tu sais, il y a des soirées potluck, c'est ça? Oui. Pas de problème, potluck. Non. Mais, faire une petite soirée, t'apportes ton CD obscur. Ah. Et chacun, ta salade de patates. Chacun fait jouer une toune. C'est délicieux. Chacun fait jouer une toune. Non, mais, tu sais. Au pire, tu manges. Partager des trésors. Exactement. Oui, ouais. Ouais. C'est aussi, moi, j'aime bien ça avec du monde. Essayer de faire des tops de fin d'année, tu sais, des messages privés où tu dis c'est quoi, si toi, tes 10 albums de l'année, telle affaire. Puis ça te permet toujours d'avoir des affaires qui t'ont raté ou t'as pas. Ce qui peut être bien aussi pour. Si vous faites un potluck, des bons trucs pour le rendre dans le thème, là. C'est d'aller dans des endroits où on vend des vinyles à une pièce, des vieilles affaires, et vous vous en servez comme plat pour de présentation. C'est excellent. Ouais. Et ça, vraiment, ça met les gens dans l'ambiance, en plus. Ouais. C'est quoi le truc à... On mange toujours le milieu en premier, ce qui est dans le milieu, comme ça, on peut voir le nom du groupe. Puis, le vinyle, cool. C'est quoi le truc à Fred Guindon, là, le François Lachapelle, le... Ah oui, chaque année, là. Oui. Un genre de revue de l'année. Ils font comme un... Oui, c'est par Internet. Il y a des... c'est ça, quand j'ai le temps, je participe. Et ça fait pas mal 4-5 ans que j'ai pas le temps. Mais sinon, c'est quelque chose de très intéressant. Oui, ça peut être des mailing lists où on s'envoie nos top 10. Chaque année, il sort un truc qui s'appelle... Attendez, je vais vous trouver, continuez à parler. Chose qui me fait rire pendant ce temps-là. C'est une parenthèse à quel point c'est drôle avec le temps comment tout peut devenir très, très quétaine. Les affaires qu'on trouvait extrêmement cool à l'époque deviennent. Tu sais, dans le temps des mash-ups, au début, on capotait. Il y en avait un, c'est Christina Aguilera de Strokes. Je pense qu'il y a un peu parti l'affaire, là, les deux ensemble. Ginny in the Bottle. Puis, la semaine passée, on dirait que ça s'est rendu au Québec, évidemment, tu sais, puis il y a des affaires. Fait qu'en direct de l'univers, la semaine passée, il faisait une espèce de mix, mash-up entre I'm Too Sexy et Si Dieu Existe. C'est quelque chose comme ça, où tu fais, qu'est-ce qui se passe, là? Ça se peut pas. Une espèce de mix un peu jazzy de ça, puis tu fais, okay. C'est rendu là. Mais il y a le problème aussi des reprises, mais ça, on peut pas rentrer là-dedans, mais il y a toujours le concept où une mauvaise chanson, peu importe comment une fois elle va être reprise, à un moment donné, tu regardes nos amis Lost Finger, ils reprennent n'importe quoi, donc même s'ils sont bons, ils prennent des tunes de merde, ça peut pas être intéressant. Ben, Puis cette espèce de mode-là, c'est ainsi. Enfin, ce qu'on voudrait avec Pump Up the Jam, à un moment donné, c'est une mauvaise chanson, donc... Non, mais c'est plus un tour de magie au début, tu fais comme « Wow! » C'est ça, exactement. Bravo, puis après, ben là, tu fais un deuxième album. Mais c'est le même principe que d'essayer de rendre une chanson touchante. C'est une chanson dance touchante, là. T'as toujours des petites filles sur YouTube qui chantent justement Pump Up the Jam en essayant de rendre ça touchant. Puis il y en avait une, l'année passée, ça avait pas de bon sens. Elle chantait une tune de Kylis qui s'appelle... de Kelly Rowland, Motivation. Qui est la chanson la plus vulgaire que vous avez jamais entendue. Puis elle essayait de rendre ça cute avec une guitare, avec une petite voix. Mais c'est des affaires, tu fais non, mais ça, c'est vraiment pas pour notre personne d'aujourd'hui, parce qu'il faut se tenir très loin de ça. Taper le grand recueil de la bonne musique, c'est ça, il s'entoure de gens qui aiment la musique. Puis là, partir des classiques, on voit des espèces de recueils, 1001 albums avoir entendu dans sa vie. Ouais, malgré que ça, c'est très, très convenu souvent. Mais ça peut être une bonne chose pour reculer, effectivement. Moi, ça me permet de... Écoute, mets-le un album. Écoute, c'est sûr qu'il y en a là-dedans. Tu fais, j'ai entendu parler, je ne l'ai pas écouté. J'ai pas pris la peine. Même, il y a combien de gens qui n'ont jamais écouté Bruce Springsteen, de toute façon. Donc, on peut partir de loin, là, tu sais. On a du stock à... Même dans le mainstream, il y a encore du stock qu'on n'a pas entendu. Puis ce qui vaut la peine souvent, c'est pas pour rien qu'un groupe est redevenu populaire avec le temps. Non, c'est ça. Parce que ses premiers disques qu'on connaît pas étaient souvent exceptionnels. Comme Pink Floyd, des choses comme ça. Ou leurs premiers disques sont fou raides. Rod Stewart dans Tad Faces. J'ai l'impression qu'il y a. Et on voit hier, avec. Avant-hier, le départ de Whitney Houston, il y a une grande majorité de gens qui connaissent que le Bodyguard et That's It. C'est une chanson approximativement moyenne. Là, ça fait 4 semaines. Hein? Ça fait 4 semaines là, qu'il est mort. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est ça. Quand même. On la salue encore. Hey, j'ai essayé Fintroll sur TuneGlue. Oui. Et ça me donne juste l'arborescence immédiate, là, à un degré. Moon Sorrow. Ouais, mais pas tant que ça. Corpiclan Annie. Ça, je connais pas du tout. Trollfest. Ça, c'est un festival. Ouais. Anciferum. OK. Tourissas. Et Equilibrium. Ouais, c'est un peu moyen. C'est-à-dire que le problème, c'est que là, ce qu'on va prendre comme facteur déterminant vont être trop larges. Et là, justement, on va vous présenter autant beau, des festivals, là, des festivals que des groupes qui viennent du même pays, mais qui ne sont pas dans la même ville. Ouais, c'est ça. Parce non, mais ça prend... C'est le maudit problème. Ouais, c'est ça. Là, c'est parce que Equilibrium, c'est le prochain spectacle du Cirque du Soleil. Fait que c'est... Mm-hmm. Ah oui, c'est ça. Mais bon, peut-être que Fintrolls sont déjà allés en orbite. Aussi, oui, on sait peut-être, jamais. Peut-être. C'est ça le lien. Ouais. Mais j'ai voulu faire mes devoirs peut-être avant qu'on termine. Puis je me suis dit que pour la personne qui nous avait écrite, un des bons endroits que je considère depuis plusieurs années, disons les sites là, que je consulte régulièrement, et que je trouve très neutre, c'est-à-dire des sites qui ne tentent pas toujours de créer, entre guillemets, un hype ou une effervescence autour de groupes, un peu à la Pitchfork ou à la, évidemment, New Musical Express et des endroits comme ça. Je trouve qu'un site comme Pop Matters est vraiment excellent. Si vous connaissez pas Pop Matters, allez faire un tour parce que c'est un site qui est à la fois vulgarisé, mais dans lequel on retrouve aussi des articles de fond qui proviennent de plusieurs types d'auteurs. Autant des gens universitaires que des gens qui sont animateurs de radio, tout ça, mais qui ont une certaine expérience de l'art en général. Mm-hmm. Et sur ce site-là, on va trouver autant la musique que les films, que la littérature et que, je dirais, les phénomènes socioculturels. Alors, c'est un vraiment très, très bon site, Pop Matters, à mon avis. Ouais, c'est un des seuls qui ne tente pas d'artificiellement mousser, en quelque sorte. Ils n'affichent jamais leur véritable préférence, à part des top 10 de temps à autre, mais qui sont plus des découvertes. Et je pense que Pop Matters est vraiment un endroit exceptionnel. Et pour notre personne en tant que telle, Pop Matters, évidemment, c'est un must. Et si elle est amatrice de métal, ben là, il faut qu'elle aille voir absolument metalstorm.com, qui est l'endroit où on passe à peu près à chaque semaine là, tout ce qui vient de sortir. Et là, ben, ça permet un peu d'avoir... Il y a une douzaine de personnes qui ont écouté cet album-là et ont dit que c'est intéressant dans tel genre. On décortique bien les genres. Donc, ça parle évidemment aux amateurs dans leur langage. Ça fait que c'est... Parmi tant d'autres, c'est des bons sites, à mon avis, que moi, je les endure depuis au moins une dizaine d'années, là, puis ils m'ont pas encore énervé. Bon. Toute ta liste sera sur notre Facebook. Ah oui, envoyons ça. Ouais. Puis si vous avez, vous autres, des solutions, hein? J'en ai pas. Oui, allez, des questions. Ou des groupes métal classiques traditionnels pour Martin. Folklorique, surtout. Folklorique. Et parce que folklorique, c'est de quelle région? C'est toujours relatif. Mm-hmm. Métal folklorique, parce qu'on pourrait même dire que jusqu'à un certain point, des groupes métal comme Sepultura ont une base folklorique, mais qui proviennent du Brésil à ce moment-là. Ah, donc, oui. On a les percussions fortes. qui sont... Non, mais c'est ça. Ben, ce groupe-là vient probablement de la Scandinavie. Puis là, faudrait voir. Par contre, si vous faites partie d'un syndicat des métallos puis que vous venez faire votre pub sur notre Facebook, ça va vraiment nous faire chier, ça. Oui, parce que c'est pas du tout la même chose. Ouais, okay. On est chou les syndicats. Chou. Merci, Lou Martin. Merci, Lou Martin. Vraiment. C'était pas facile. Solution préférée. Saint-Paul 136, c'est pas facile. Moi, Pop Matters, je trouve que c'est une bonne. Mais non, mais moi, c'est partagé. Parce que t'as raison pour Pitchfork, il y a des affaires complètement absurdes des fois. Il y a en sens des disques, puis à côté, t'as l'annonce pour le Pitchfork Festival, puis c'est tous les disques qui ont sens qui sont là. Exactement. Et bon, personnellement, Pitchfork, il y a trop de rap, donc c'est trop américain. Le singe qui se pisse dans la bouche pour le disque de Jet. Oui, oui, c'est très, très. Il y a des bonnes choses, faut le lire quand même. Mais il faut en prendre et en laisser. J'ai une autre solution. Tu apprends ton groupe préféré, ta tune préférée, tu la prends un peu, tu croches à guitare. Là. Ouais. Là, tu arrives chez le disquaire, tu fais t'as-tu quelque chose de disque de ça? Puis là, tu joues un peu croche. Puis là, il va faire C'est-tu ça? Puis là, il va t'en proposer plein qui ressemblent un peu. Mais il y a peut-être une façon aussi de. Par reconnaissance de son, d'une manière procédurale. D'organiser justement de créer un programme qui va reconnaître ta toune mais à moiitié et qui va lui aller chercher dans une base de données et te donner toutes sortes d'options. Alors, ça remplace finalement le disquaire un peu mêlé. Chou le disquaire, c'est fini ça. Ben, c'est un peu terminé, hein. Les guichets automatiques, tout ça, c'est fait. C'est vrai qu'il y a plusieurs chansons métal qui sonnent comme des épidurales. Fait que ça, c'est vrai. Ouais, c'est procédural, pardon. Ouais, non, mais c'est un peu la même chose. Hein. Quand tu vas accoucher, tu vas comprendre. Moi, je dis que tu t'achètes un ukulélé. Oui. Ben, Amanda Palmer l'a très, très, très bien fait. C'est la même. Il s'est vendu plus de ukulélé l'année passée que de guitare. Mm. Ça, c'est à cause de Zoé. Ouais. De Chanel. Zoé de Chanel. Puis t'adaptes toutes tes tunes au ukulélé, puis le band va vouloir te parler. Mais si vous aimez le ukulélé, je vous le dis, l'album d'Amanda Palmer est très intéressant. Ouais, enfin. Une artiste, justement, multidisciplinaire, qui était une des deux voix des Dresden Dolls, un groupe qui a été un peu connu. Et elle a fait un album au ukulélé. C'est peut-être un mini-album, par exemple, mais c'est tout quand à même. Fait. C'est extraordinairement inacceptable. Wow! Solide. Ouais, porte-toi un band. Ouais. C'est ça que j'ai dit, moi. Fais ta propre musique. Peu importe la solution que tu choisis, Martin, écris-nous donc à podproblème@gmail.com pour nous dire c'est quoi. Oui. Très fin, comme un troll fin. Mm-hmm. Ouais, ouais, ouais. Très fin. Merci à Sonar, encore une fois. Oui, merci Sonar. Continuez à nous suivre sur Twitter et partagez Pas de problème avec un ami. Ça va bien. Oui. Ouais, rockez votre vie aussi. Voilà. Clairement. Comme à la belle époque. Merci, Louis-Martin. Merci. Merci. Et d'ici notre prochain podcast, vous avez un problème, nous avons un podcast. J'ai-tu dit podcast? Rock. Podcast. Nous n'avons pas de texte. Si jusqu'à un problème, nous n'avons pas de texte. Nous n'avons pas de texte.